Sound System. music or happy people? Happy people. Happy people. Remains on top. Go. we make. Système fréquence 95-30, bienvenue à toi, bon réveil, un petit clin d'œil à Hubert qui était avec toi depuis 8h ce matin pour son concept électrochique que tu retrouves la semaine prochaine pour un maximum de bonne musique entre 8h et 10h tous les samedis matins avec Hubert. Au programme de notre émission aujourd'hui, Sound System, le ping-pong entre la rétro et la nouveauté. On a démarré notre émission avec ce morceau de Rhythm Section, le morceau Contest sorti en 1991. On continue cette fois-ci en nouveauté avec un titre sorti au début du mois de janvier 2008, sorti sur le label Organized Nature. Le duo s'appelle Gabriel et Dresden, donc c'est du bon, avec leur dernière production, ça s'appelle la Pearl, et on revient avec de la rétro juste après. Galaxy. Galaxy. Don't stop music. We'll be right back. 95.30, tu écoutes la dernière production de Gabriel et Dresden avec le morceau Pearl, sorti sur le label Organize Nature. Tu peux écouter nos programmes directement sur internet en un clic, live.galaxyfm.com. N'hésite pas à te connecter également sur le site officiel de l'émission, www.soundsystem-mix.fr. On continue en rétro avec Énergie 52, le Café Del Mar, et puis on revient avec de la nouveauté dans quelques instants. Tout à l'heure à 10h30, l'agenda intergalactique présenté par Stéphane Laroche avec le meilleur des informations de proximité, et ce sera l'occasion pour moi de faire un tour d'horizon également des principales soirées marquantes pour les clubs de la région. Je te parlerai notamment du deuxième anniversaire du Pulse Factory. À tout à l'heure. Galaxy. Galaxy. Music for happy people. Happy people. Jérémy sur Galaxy. Galaxy. Galaxy. Don't stop. No Galaxy, Soundsystem, tu viens d'écouter Inner City avec Good Life en version remixée hispanique. On continue en nouveauté pour nous emmener jusqu'au cap des 10h30. C'est Alcatraz avec le titre Give Me Love, un remix signé Cédric Gervais et sorti sur le label Yoshitoshi. Galaxy. Galaxy. Music for happy people. Merci Sound System, tu viens de passer le cap des 10h30 à l'écoute de cette nouveauté signée du groupe Alcatraz, Give Me Love, la version remixée d'un titre rétro sorti il y a plus de 10 ans. Le remix est signé de Cédric Gervais et c'est sorti ce mois-ci sur le label Yoshi Toshi. On fait un tour d'horizon des soirées marquantes pour ce samedi 19 janvier avec du côté du Bliss Club la soirée résident avec 6PO et Flamme à la bûche, les Saturday's New Session avec au platine Silver Sea, Frank J, Xtian et Laurent Top, à l'Escape Concept le concept Who's Who avec une soirée spéciale et au platine DJ Wesley de la Pijack, aux côtés des résidents Dave, Luc, Kevin et Huggy Anton, à l'H2O soirée résident également avec le trio Chris, Johan et Simai, au Pulse Factory soirée spéciale à ne pas manquer ce soir, le deuxième anniversaire du club avec au platine Georges, Fifi, Marco, Alex versus Jeff, César, Sir Charles, Saint-Victor et puis les résidents Sipi et Michael Forza. Et on termine avec le Zoo Club, on change de concept et on change de style musical avec un concept R&B Session et au platine pour cette soirée R&B DJ Asphalt du Café d'Anvers aux côtés des résidents Serum, Romanes, Arnaud et Ludo. La suite des informations et de l'agenda c'est tout de suite avec Stéphane Laroche. On se retrouve juste après pour de la musique avec de la rétro, le groupe Cygnus 6 et le morceau Super Strings. Galaxy Music and News. À ne pas manquer, une lecture spectacle entre sorts pour une à cinq personnes par Laure Chailloux avec Sosnetu Productions à la bibliothèque municipale ce mercredi 23 janvier dès 14h30. Manifestation libre d'accès, plus d'infos 0320 81 66 38. Spectacle jeune public, Baïa de Bretagne, programmé jeudi 24 janvier 18h30 au centre socio-éducatif de Waterloo. Gratuit pour les moins de 18 ans, 2 euros pour les autres. Renseignements et billetterie, office de tourisme 0320 75 85 86. La fameuse pièce Petit Meurtre en série sera jouée à deux reprises grâce à Théâtre La Compagnie les vendredis 25 et samedi 26 janvier au centre socio-éducatif Waterloosien. Réservation 03 20 99 91 19. L'exposition de peinture Scènes en Flandre par Thérèse Sénavedu est à découvrir jusqu'au 24 février prochain, direction le musée des arts et traditions populaires situé rue François Merriot Waterloo. Entrée libre, horaire d'ouverture 03 20 81 59 50. Toutes ces infos et bien d'autres encore disponibles sur galaxyfm.com, rubrique info régionale Galaxy. Galaxy. Music or happy people. Happy people. Galaxy. Galaxy. Don't stop. Stop music. Music for happy people. Happy people. Love. Galaxy. Music, music, music. Music remains on top. Sound System, Jérémy sur Galaxy. N'hésite pas à nous appeler au 03 20 83 57 57 si tu désires connaître toutes les références des morceaux diffusés dans l'émission le samedi matin en direct. Tu viens d'écouter un souvenir sorti en 1996. C'était le groupe White Rax avec le morceau Mystery Land. On continue dans les souvenirs, cette fois-ci au début des années 90 avec de la techno. C'est le groupe Jens et le morceau Loops and Things. Retour avec la nouveauté dans quelques minutes. Galaxy. Galaxy. Music. For happy people. Happy people. The thing that keep the smile on your faces. Who the thing that keep the smile on your faces. Who the thing that keep the smile on your faces. Who the thing that keep. things that keep the smile. Sur Galaxy Fréquence 95-30 avec à l'instant Jens et son morceau Loops and Things. Tu le sais, nouveau concept d'émission tous les derniers samedis du mois, notamment le prochain rendez-vous samedi 26 janvier, l'Eurotop 40 avec Hubert et moi-même au platine entre 18h et 20h, dernier samedi du mois, pour faire le tour d'horizon des 40 morceaux les plus diffusés sur l'antenne, 40 nouveautés. Et notamment, tu pourras retrouver ce morceau de Marc Mendes, Ben F. You, une production du label Stertor Records qui est sorti au début du mois de janvier et qui est un des coups de cœur intergalactiques du moment. With Galaxy. With Galaxy. Music, music. Music remains on top. Tu écoutes une nouveauté sortie au mois de janvier sur le label Stator Records. L'artiste s'appelle Marc Mendes. C'est un de nos coups de cœur intergalactiques avec le morceau Beneath You, un morceau que tu retrouveras certainement dans les 10 premiers de l'Eurotop le 26 janvier. Prochaine émission, donc le samedi entre 18h et 20h avec Hubert, où on fera un tour d'horizon des 40 morceaux les plus diffusés sur l'antenne en ce début d'année. Sache également que sur le site web www.soundsystem-mix.fr, c'est le site web officiel de l'émission, un concours de DJ sera lancé d'ici quelques jours. C'est un petit contest entre nous, un petit concours amical. Donc tu auras quelques jours pour me faire parvenir un petit set d'une demi-heure, un petit mix. On divisera le concours en deux parties. Les personnes qui mixent plutôt au format digital, MP3 et CD, puis les autres qui mixent de manière classique en vinyle. Et donc, vous pourrez vous inscrire, on votera, on lancera les votes et puis on désignera le gagnant. Ça démarre donc dans quelques jours pour tout savoir. Et puis, si tu souhaites y participer, tu te connecteras dès la semaine prochaine sur le www.soundsystem-mix.fr. On continue en souvenir, il est 11h à mi-parcours de l'émission. Bon week-end et bon réveil si tu viens de nous rejoindre. On démarre cette deuxième partie avec un groupe que j'affectionne tout particulièrement, c'est les Chicanes avec le morceau Offshore, c'est un souvenir. Sound system. broken mountains, nothing new. Lead me to the mountain top. We'll work until it's time to stop, oh baby. You're mine, you're mine, you're walking on sunshine. But you know the feeling love can bring. I said when you're falling through your cloud, baby, don't just shout too loud, oh baby. You're mine, you're mine, you're walking on sunshine. Avec à l'instant Tori Amos, Professional Window, un titre sorti dans le milieu des années 90. C'est de la rétro dance. On continue avec quelques informations, notamment pour ceux qui aiment Sharkam, sachez qu'il a été déplacé. Vous ne le retrouvez plus le samedi après-midi, mais cette fois-ci le dimanche, tous les 15 jours entre 16h et 18h. Qui a pris sa place? C'est tout simplement Dust, le samedi entre 14h et 16h pour un nouveau rendez-vous rétro et électro. Autre émission, Earth and Soul, tous les mardis entre 18h et 19h avec le trio Timothée, Huggy et Guillaume pour une émission spéciale House, Soul et Garage. Voilà pour les deux principales informations, les deux nouvelles émissions. Et on continue avec Kate Racid, le morceau Liquid Surprise. Thank you. to the speakers so I can see the light in your eyes. I'm here to invite you on a journey to our planet of love and freedom. So relax your body and open your mind for the melody transmission. Sound System. Sound System, un petit clin d'œil à tous les fans de House avec un rendez-vous de l'année 1997. L'artiste s'appelle CZR avec la voix de Daryl Pandy pour le morceau Bad Enough en version remixée. C'était la grande époque 97-98, les débuts de la House filtrée. Il y avait Stardust qui cartonnait et puis il y a pas mal d'excellents morceaux qui passaient à cette époque-là, notamment pour tous les fans de House, House et Funky Disco House. On fait un bref tour d'horizon des soirées marquantes pour ce samedi 19 janvier avec du côté du Bliss Club, la soirée résident avec XPO aux flammes, à la bûche, les Saturdays New Session avec le Quatuor, Silver Sea, Frank J, Xtian et cette fois-ci Laurent Top, nouveau rendez-vous. Donc il revient à la bûche, à l'Escape Concept, la soirée Who's Who avec en guest DJ Wesley de la Pijack, Dave, Luke, Kevin et Huggy Anton. Il y a également l'âge de Zoo avec la soirée résident et le trio Chris, Johan et Simai. On continue avec le Pulse Factory, deuxième anniversaire avec au platine pour cette soirée spéciale à ne pas manquer au Pulse, Georges, Fifi, Marco, Alex versus Jeff, César, Sir Charles, Saint-Victor, Sipi et Michael Forza. Et puis on termine avec le Zoo Club, la soirée R&B Session. On change de concept et de son avec en guest DJ Asphalt du Café d'Anvers et les résidents Serum, Romanes, Arnaud et Ludo. Tu retrouves toutes les informations sur internet en un clic, www.galaxyfm.com, rubrique information de proximité et agenda Galaxy. On continue en souvenir et en rétro, cette fois-ci avec un titre méconnu. On repart dans le style rétro-trance. Le groupe s'appelle s'appelle Musics avec le titre synthétique Apocalypse, morceau méconnu, sorti en 1994 dans le pur style rétro-trance, c'est-à-dire beaucoup de synthé, des nappes et puis des basses percutantes. Un morceau à découvrir ou redécouvrir dans Sound System tout de suite. Galaxy. Galaxy. Don't stop. Music. Jérémy sur Galaxy. Galaxy, Saint-Système, un petit clin d'œil à tous ceux qui nous écoutent à travers le web et à travers le monde, directement en un clic live.galaxyfm.com. N'hésitez pas à visiter le site de Galaxy, www.galaxyfm.com, notamment son forum. Venez interagir avec nous, le chat, puis également le site officiel de l'émission, www.soundsystem-mix.fr. Plein de choses à découvrir, notamment le forum, le chat également, des petits mix à écouter, les rediffusions des émissions si vous n'avez pas pu tout écouter le samedi matin en direct. Il y a les playlists, il y a pas mal de bonnes choses et un maximum de bonne musique. J'espère que ce morceau vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a rappelé plein de bons souvenirs. Le groupe Musics avec Synthetic Apocalypse, sorti en 1994. On fait un bref break au niveau de la rétro et de la musique pour laisser place à Stéphane Laroche et son agenda galactique. On revient juste après avec Toca Disco, le morceau Murumbi, sorti en novembre. Et puis on continue sur de la rétro jusqu'au cap des midi. Tout de suite, c'est Stéphane. Galaxy Music and News. À ne pas manquer, une lecture spectacle entre sorts pour une à cinq personnes par Laure Chaillou avec Sosnitu Productions à la bibliothèque municipale ce mercredi 23 janvier dès 14h30. Manifestation libre d'accès, plus d'infos 0320 81 66 38. Spectacle jeune public, Baïa de Bretagne, programmé jeudi 24 janvier 18h30 au centre socio-éducatif de Waterloo. Gratuit pour les moins de 18 ans, 2 euros pour les autres. Renseignements et billetterie, office de tourisme 0320 75 85 86. La fameuse pièce Petit Meurtre en série sera jouée à deux reprises grâce à Théâtre La Compagnie les vendredis 25 et samedi 26 janvier au centre socio-éducatif Waterloosien. Réservation 03 20 99 91 19. L'exposition de peinture Scènes en Flandre par Thérèse Sénavedu est à découvrir jusqu'au 24 février prochain, direction le musée des arts et traditions populaires situé rue François Merliot Waterloo. Entrée libre, horaire d'ouverture 03 20 81 59 50. Toutes ces infos et bien d'autres encore disponibles sur galaxyfm.com, rubrique Info Régionale Galaxy. Galaxy. aussi. Sound System, je vous avais déjà dit que l'année 2007 c'était l'année de Deadmau5, mais c'est également, en tout cas pour la fin d'année 2007, l'année de DJ Toka Disco, puisqu'il a sorti pas mal de bonnes productions, notamment ce morceau Morumbi, sorti sur le label Superstar Records et qui est classé dans les 30 premiers de l'Eurotop Galaxy. Prochaine émission le samedi 26 janvier entre 18h et 20h avec au platine et au micro Hubert et moi-même. On vous accueillera directement à l'antenne, donc notez ça sur vos agendas, vous pourrez intervenir à l'antenne, raconter ce que vous voulez. Il y aura également un petit chat en direct, on aura ici l'écran d'ordinateur et on pourra discuter en même temps avec vous à l'antenne et puis directement sur le chat. Pas mal de bonnes choses donc pour cette prochaine émission, le tour d'horizon des 40 morceaux diffusés le plus souvent dans l'antenne de Galaxy. Alors ce sera que de la nouveauté, il n'y aura pas de rétro, et puis c'est à vous de deviner qui sera le premier du prochain Eurotop. Rendez-vous donc 26 janvier entre 18h et 20h sur Galaxy avec Hubert et moi-même. On continue en souvenir avec un grand classique de chez Classique, c'est Marmion et le titre Schoenberg. Il est 11h35 sur Galaxy. Tout à l'heure, à partir de midi, tu as rendez-vous avec Jimmy pour son concept Spiritual Choice. Galaxy. Galaxy. Music for happy people. Happy people. Happy people. Galaxy, Sound System, j'ai mis une claque à certaines personnes. Marmion avec Schoenberg, c'est de la rétro, de la bonne rétro, sortie en 1994. On continue avec le groupe THC, le morceau Sizzle. Souviens-toi, c'était excellent. Galaxy, Galaxy, music for happy people, happy people. Un bon souvenir dans Sound System avec à l'instant une version remixée, hein. C'est pas l'original, une version remixée de THC de Sizzle, sortie dans le milieu des années 90. On va continuer dans ce style un petit peu bourrin, mais bon, ça fait du bien. Art techno avec de la rétro techno, justement. Alors souviens-toi de ce morceau, ça cartonnait notamment au Cherry Moon. Le groupe s'appelle Tank avec le morceau 100% Acid Ferrous. Ça va vous retourner le cerveau. Galaxy, Galaxy, music for happy people, happy people. Happy people. Centisystème comme prévu, séquence retournement de cerveau avec le groupe Tank et le morceau 100% acide Ferrous. On diminue un tout petit peu les BPM, mais juste un petit peu. On reste dans le style rétro techno, morceau sorti en 1993 avec les Suburban Night et le morceau The Art of Stalking. C'est de la rétro. Galaxy. Galaxy. Don't stop music. Système, merci d'être rivé, scotché, agrippé à ta radio. Fréquence 95-30 pour le meilleur de la musique électronique avec de la rétro et du souvenir à l'instant. Les groupes Suburban Night et le morceau The Art of Stalking. On continue toujours dans le même style, rétro techno, un peu bourrin avec cette fois-ci production de l'année 1993. L'artiste s'appelle DJ Booty Hunter avec le morceau User's Hunts. Et dans moins de 10 minutes, tu as rendez-vous avec Jimmy, Spiritual Choice, entre midi et 14h. Galaxy. Galaxy. Don't stop music. Bounty, ça fait mal aux oreilles mais ça fait plaisir quand même. Le morceau de DJ Bounty Hunter avec Users Hunt sorti au milieu des années 90. Dans quelques minutes, je laisse place à Jimmy aux commandes de Galaxy de midi à 14h pour son concept Spiritual Choice. Et pour tous les fans de Galaxy, deux moments à ne pas manquer, et de Jimmy surtout, deux moments, donc deux soirées, notamment la première le 2 février pour son anniversaire, l'anniversaire de Jimmy Birthday, avec au platine Guillaume, Silver, Ice, Nicolas et Jérôme B. Toute la team de Galaxy réunie dans un seul endroit, l'Escape Concept, pour une soirée spéciale le samedi 2 février pour fêter l'anniversaire de Jimmy. Et puis la semaine suivante, à partir du 9 février, une soirée rétro, soirée spéciale avec Jimmy, aux côtés de HS, Yuri, Vince et tous les résidents de l'Escape. On aura l'occasion de vous en reparler. Jimmy, c'est dans 5 minutes. On se quitte avec un dernier morceau. Souviens-toi, c'était Cameo Money. On termine fort dans cette émission Sound System. Sound System, joli souvenir à l'instant pour terminer notre émission avec le groupe Cameo et le titre Money. Un rapide coup d'œil sur quelques informations à ne pas manquer. Alors sache que la grille des programmes a un petit peu été changée pour ce début d'année. Tu peux retrouver deux nouvelles émissions, notamment Earth and Soul le mardi entre 18h et 19h avec le trio Timothy, Huggy et Guillaume pour une émission animation spéciale House, Soul et Garage avec plein d'infos et un maximum de bonne musique. Donc notez sur vos agendas tous les les mardis entre 18h et 19h. Nouveau rendez-vous Heart and Soul. Une petite modification également pour ceux qui avaient l'habitude de retrouver Sharkam le samedi après-midi entre 14h et 16h. C'est désormais Dust qui s'y colle pour une émission spéciale rétro et électro. Et Sharkam, tu le retrouves tous les 15 jours le dimanche entre 16h et 18h. Au niveau des deux autres informations, sache également qu'il y a deux soirées à ne pas manquer. Le 2 février, l'anniversaire de Jimmy Birthday, avec toute la Team Galaxy, Guillaume, Silver, Ice, Nicolas, Jérôme B. Ça se trouvera à l'Escape. Et également le 9 février, la semaine qui suit, une soirée spéciale rétro, à l'Escape avec HS, Yuri, Vince et Jimmy. Et puis dernière information concernant l'émission du samedi 26 janvier. Samedi 26 janvier, entre 18h et 20h, je serai en compagnie d'Hubert pour un spécial Top 40. On fera le point des 40 morceaux les plus diffusés sur Galaxy avec pas mal de bons sons. Vous pourrez intervenir à l'antenne et puis également sur le chat de Galaxy. On vous filera plein d'infos d'ici là. Donc rendez-vous à ne pas manquer le samedi 26, 18h, 20h, la prochaine émission Eurotop 40. Je te laisse en compagnie de Jimmy pour son concept Spiritual Choice et je te donne rendez-vous sur le site web de l'émission www.soundsystem-mix.fr. N'oublie pas, il y a un contest DJ en cours avec à remporter une petite résidence ici sur Galaxy, en tout cas un petit set spécial, soit dans mon émission, soit dans l'émission de Ice. Tout de suite, c'est Jimmy.